La communauté internationale exalte le message de nouvel an du dirigeant suprême Kim Jong-un. Le président du Comité national d'études des études justices du Congo démocratique l'a estimé comme un grand programme insufflant au peuple coréen la certitude en la victoire nouvelle, alors que le chef du cercle d'études du kim-jong-unisme de Fermo, Italie, a qualifié les succès de la Corée socialiste de l'année dernière de grand encouragement à l'humanité progressiste attachée à l'indépendance. Dans sa déclaration, le groupe russe de solidarité avec la République populaire démocratique de Corée a indiqué que le message de nouvel an du camarade Kim Jong-un saisit le cœur de toute l'humanité puisqu'il traduit sa volonté noble de réunir une vie plus riche et civilisée au peuple coréen et de transformer la Corée en puissance éternelle qu'aucun envahisseur n'ose toucher. Le président de l'Association d'amitié Slovénie-Corée a dit que son Excellence Kim Jong-un a précisé dans son message de nouvel an les moyens d'ouvrir une phase nouvelle de la réunification indépendante du pays, tandis que l'Association d'amitié avec la Corée souligne dans sa déclaration que le message de nouvel an de Kim Jong-un inspire la certitude en l'avenir rose de la Corée. Le vice-président de l'Union des écrivains russes a fait remarquer que le message de nouvel an du camarade Kim Jong-un reflète sa conception noble du peuple et que grâce à lui qui considère le peuple comme Dieu et maître, le peuple coréen achèvera avec succès la cause révolutionnaire tsé.